Je suis très honoré d'avoir été invité par l'université de Rennes pour parler de l'Alsace. Ça ne m'est pas encore arrivé à l'université de Strasbourg, hein, mais Marie-Julie est prophète dans son pays. Voilà, donc je me présente rapidement. De formation, je suis juriste. J'ai une longue carrière de juge administratif derrière moi. Mais j'ai également une carrière, je dirais, d'expert consultant au Conseil de l'Europe dans le domaine de la protection des minorités, la promotion des langues régionales, la démocratie régionale. Voilà, et puis actuellement, je suis responsable d'une association qui s'appelle Culture et Bilinguisme d'Alsace et de Moselle. Alors, j'ai donc été invité à réfléchir avec vous sur la construction de l'autonomie par les peuples minorisés. Et je vais essayer de vous donner un certain nombre de réflexions qui sont applicables à l'Alsace pour ce sujet, sous un titre que j'ai trouvé, l'identité alsacienne, peuple, nation, minorité ou double culture, région biculturelle. Première remarque en introduction, faut-il parler des Alsaciens ou faut-il parler de l'Alsace, hein? La référence à peuple minorisé, c'est donc plutôt une référence à un groupe de population. Dans le cas de l'Alsace, j'aurais tendance à mettre l'accent sur une entité qui inclut bien sûr la population, mais qui est peut-être plus large que la seule population. Je parlerai souvent de l'Alsace, mais bien sûr aussi de la population alsacienne, et surtout de la problématique alsacienne, ce qui inclut à la fois la population et la notion Alsace. Deuxième observation introductive, on dit souvent l'Alsace a une forte identité. Moi, je dis souvent l'Alsace a un fort problème d'identité, en fait. Et les Alsaciens, en particulier du fait de leur histoire, ont une difficulté pour justement se définir, savoir qui ils sont, hein. Et pour en revenir à cette notion donc de construction de l'autonomie d'un groupe, je crois que ce qui est vraiment essentiel, c'est justement d'arriver à clarifier pour ce groupe quelle est finalement sa personnalité, son identité, sa spécificité. Tous ces termes sont plus ou moins équivalents. Alors pour approfondir ce point, je vais vous proposer dans un premier temps d'examiner les éléments constitutifs de cette personnalité alsacienne. Et dans un deuxième temps, je vais essayer d'analyser comment ces éléments peuvent s'appliquer à un certain nombre de concepts tels que peuple, nation, minorité, etc. Alors d'abord, les éléments constitutifs de la personnalité alsacienne. Et je vous proposerai cinq éléments constitutifs. Le premier, c'est la géographie. Le deuxième, l'histoire. Le troisième, la langue. Le quatrième, la religion. Et le cinquième, j'évoquerai les mentalités. Je commence par la géographie. C'est pour ça que je voulais vous montrer quelques cartes. Je pense qu'il faudrait pouvoir brancher l'électricité. Tu n'as pas ton chargeur. On va en mettre un parce que sinon ça va plus faire ça. Oui. On peut revenir à la carte antérieure. Juste là. Bon, on va peut-être pas perdre trop de temps à essayer de voir des choses qui sont. Prenez la deuxième. Voilà, le banane bleue. Voilà. En voilà déjà une qui me paraît être tout à fait suffisante pour dire l'essentiel de ce que je voulais vous dire à ce sujet, dès que vous la verrez. Sur le fil. Oh, bah oui, attention. Oui. Ah oui. Ou bien on peut mettre de l'autre côté. C'est bien. Alors, La géographie, je pense à la phrase de Bismarck qui disait c'est la seule chose qu'on ne peut pas modifier sur un territoire. Vous pouvez changer la population, vous pouvez changer les institutions, mais vous ne pouvez pas changer la localisation. Hein. Et l'Alsace, elle est caractérisée par sa localisation. Alors donc, ici en Bretagne, on est un peu dans l'extrême ouest, et bien l'Alsace, elle est également en situation marginale par rapport à la France. La voilà, l'Alsace. Par contre, elle est bien centrale en Europe. Hein. Elle fait partie de cette banane bleue qui est un peu l'Europe rhénane. Hein. Elle est sur la frontière. Elle fait partie du Rhin supérieur. Elle fait partie de ce monde rhénan. Et ce sont ces éléments-là qui sont absolument décisifs pour caractériser l'identité de cette région. Donc une région qui se veut rhénane, qui se veut européenne, qui est entre la France et l'Allemagne, et qui a donc comme vécu cette situation franco-allemande. Ces éléments sont tout à fait essentiels donc pour comprendre l'Alsace. L'Alsace est aussi, je sais pas, je vais passer à la photo, truc suivante si c'est possible. Vous pouvez prendre celle-là maintenant. Là. Voilà, là vous avez cette fois-ci l'Alsace. Vous voyez que géographiquement, les seules limites naturelles, c'est les deux massifs qui bordent cette plaine rhénane, la forêt noire à l'est, les Vosges à l'ouest. Pour le reste, il n'y a pas. Tout ceci forme une unité, donc entre l'Alsace, le Pays Bas, le nord de la Suisse, le nord de la région de Strasbourg, il n'y a pas de frontière naturelle entre guillemets. Tout ceci forme une unité, et cette unité a été longtemps une réalité. Elle a été remise en cause par l'histoire. Et aujourd'hui, le souhait des Alsaciens serait d'arriver à retrouver davantage l'unité de ce territoire. La situation actuelle, pour évoquer cet aspect de la coopération transfrontalière, c'est qu'aujourd'hui, en Alsace, on a des problèmes sérieux sur le plan économique, du chômage, alors que la Suisse du Nord, la région de Bâle, c'est un boom extraordinaire sur le plan économique, et le Pays de Bade, notamment la région de Fribourg et d'Offenbourg, c'est également la région où il y a le moins de chômage en Allemagne. Donc vous avez une situation, c'est-à-dire zéro chômage ici, 10% là, et cette situation-là va peut-être se traduire par le fait que la géographie, donc je parle, elle va d'une certaine manière prendre sa revanche sur l'histoire, une histoire qui avait séparé ces deux côtés, et qui aujourd'hui tendent de nouveau à se rapprocher, parce qu'évidemment, le grand souci en Alsace, c'est de participer à la prospérité économique de l'autre côté. Et pour participer à cette prospérité économique, il faut bien sûr parler la même langue que de l'autre côté, retrouver la langue commune. Il faut surmonter les différences liées à la frontière étatique. Il faut retrouver un état d'esprit commun, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, là, il y a des institutions qui se développent en vue de cette coopération transfrontalière. Il y a une autre carte encore qui décrit cela. Je suis désolé de vous de faire appel à vous. Spécialisme. On va prendre attendez voir laquelle est marquée. Coopération européenne. Oui, prenez peut-être ça. Je ne sais pas. C'est un peu court. Ça doit être la dernière. Aide. Oui, je ne sais pas maintenant si c'est ça. Sinon, on ne va peut-être pas perdre notre temps. Non, ce n'est pas ça. Mais bon, vous voyez encore une fois, là, ce contexte, disons, européen et régnant de l'Alsace. On va laisser les autres cartes pour avancer parce que nous n'avons pas trop de temps. Deuxième élément d'identification, l'histoire. L'Alsace aurait pu ne pas exister. C'est l'histoire qui a fait l'Alsace. Et on pourrait même dire d'une manière un peu caricaturale que l'Alsace est le produit d'annexions successives. Avant 1650, l'Alsace faisait partie du Saint-Empire romain germanique, une entité totalement différente de la France, très décentralisée. Déjà le fédéralisme, qui avait un espace linguistique commun, c'était pas une seule langue, mais disons une communauté de langues. Et pour l'Alsace, cela s'est traduit par le fait que dans ce territoire-là, eh bien, il y avait une sorte de foisonnement de petites républiques et d'évêchés. Il n'y avait pas de pouvoir politique important. 1650, 1648 plus précisément, c'est les traités de Münster et de Osnabrück. La France prend possession d'abord des territoires des Habsbourg en Alsace, mais à partir de là, elle va finalement par des mécanismes de rattachement, d'annexion, de prise de pouvoir, elle va finalement contrôler l'ensemble de l'Alsace. Par exemple, 1681, c'est la prise de Strasbourg. Donc, l'Alsace devient française, mais c'est la première annexion, si vous voulez, une annexion qui commence déjà à donner à l'Alsace sa caractéristique d'être à cheval sur deux cultures. La population, l'essentiel de la population va rester ce qu'elle était, c'est-à-dire une population de type germanique, parlant donc un dialecte germanique avec des traditions germaniques. L'élite, par contre, la bourgeoisie et la noblesse, va chercher à faire carrière, comme il se doit, pour l'élite. Et donc, ils vont s'intégrer dans le système politique français. Cette élite va se franciser assez rapidement. Mais sans pour autant perdre le contact de la population, donc nous avons ce phénomène biculturel qui se met en place et qui est la grande caractéristique de l'Alsace. Deuxième période, si vous voulez, 1790-1870, c'est une période où le processus, disons, d'assimilation s'intensifie. L'administration française va essayer de développer la connaissance du français dans l'école primaire. La Révolution a supprimé toutes les traditions, les spécificités administratives qui subsistaient encore. Donc le processus d'assimilation est en cours. Nous sommes la première moitié donc du 19e siècle, une époque où les affirmations nationalistes éclatent un peu partout. En Alsace, il n'y a rien de tel, les Alsaciens ne bougent pas. Seuls, quelques clubs ou personnalités intellectuelles, littéraires, religieuses, protestent contre la francisation en disant que c'est une atteinte à la l'âme alsacienne, à la religion aussi, puisque très souvent ce sont des clercs qui font ce qui lancent ce cri d'alarme. Donc quelques réactions quand même assez isolées, mais pas de mouvement fort de résistance face à cette assimilation. 1870, deuxième annexion, si vous voulez. L'Alsace et la Lorraine deviennent allemandes, sont intégrées dans le Reich bismarckien. Cette période est souvent décrite dans l'historiographie française comme une période sombre. Moi, je vous dirais franchement, c'était sans doute la meilleure période que l'Alsace ait connue. La meilleure période, pourquoi ? Parce que les Alsaciens ont, et les Mosellans ont réellement pu prendre conscience de leur identité. Comme le disait un adage de l'époque, Français ne puis, Allemand ne veut, Alsacien suit. Donc c'est là qu'apparaît vraiment la conscience d'une identité alsacienne qui s'oppose à la, disons, à l'identité nationale dominante allemande, mais qui malgré tout en profite, parce que ce Reich bismarckien est un État fédéral qui laisse une très grande autonomie à l'Alsace et à la Moselle. Il y a des institutions locales, il y a des lois locales, il y a un parlement local, il y a une vie politique très intense, il y a une protestation forte contre le pouvoir allemand, mais en même temps une collaboration étroite avec lui. C'est une époque de fort développement économique et culturel, et le cadre allemand, disons, favorise aussi une renaissance sur le plan linguistique. C'est à l'époque l'âge d'or du dialecte alsacien, puisque, bien sûr, les Alsaciens parlaient allemand, ils préféraient le dialecte pour s'opposer aux Allemands, et ils continuaient à entretenir, au niveau des classes aisées, la connaissance du français. Donc une période extrêmement positive, mais qui se termine par une catastrophe, la Première Guerre mondiale. Là, l'Alsace va être zone de front, zone de guerre. L'armée allemande installe une sorte de dictature militaire et une bonne part de la sympathie des Alsaciens pour les Allemands disparaît à ce moment-là. 1918, nouveau changement de nationalité. On pourrait, de manière un peu provocative, dire troisième annexion, parce que contrairement à ce qui était prévu, je dirais, au plan international, le point 8 de Wilson, il n'y aura pas de référendum. On va purement et simplement réintégrer l'Alsace dans l'entité française. Les Alsaciens, dans un premier temps, ne sont pas mécontents, mais très rapidement, le carcan jacobin va les irriter considérablement. C'est un mouvement autonomiste qui va prendre naissance, une revendication de bénéficier d'une certaine autonomie locale, un peu comparable à ce qui existait à l'époque allemande. Cela sera réprimé très violemment par les autorités françaises, et ce mouvement autonomiste va terminer, là aussi, de manière un peu catastrophique avec la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace est alors intégrée dans l'Allemagne nazie. Donc, où est-ce que j'en suis ? La combienième annexion ? La quatrième. Et là, c'est une annexion particulièrement dramatique, puisque donc il ne s'agit pas, comme dans le reste de la France, que souvent on ne comprend pas ici, c'est pas une simple occupation, c'est-à-dire l'Alsace disparaît et devient un élément du Gau-Baden, la Moselle un élément du Gau-Westmark, et on est complètement mis au régime allemand. Donc, germanisation à outrance, disons, pouvoir totalitaire, intégration dans le système national allemand, et notamment incorporation de force 40 000 Alsaciens dans la Wehrmacht, le cas échéant, même dans la Waffen-SS. Sans qu'ils puissent s'opposer, puisqu'il y a des mesures de rétorsion qui sont prises par, contre les familles, s'il y a de la résistance, s'il y a... Il y a eu un mouvement de résistance, mais il ne pouvait pas s'exprimer puisque la répression était extrêmement violente. 1945, j'allais dire, nouveau changement de nationalité. L'Alsace redevient française, elle est contente de redevenir française, bien sûr, mais en même temps, c'est une période extrêmement dure, extrêmement... disons, qui a beaucoup choqué parce que il y aura une forte épuration. Les Alsaciens seront globalement considérés comme des collaborateurs. L'affaire des incorporés de force ne sera pas du tout comprise, je dirais, dans sa nature réelle. Donc, tout ce qui est culture allemande, langue allemande, tradition allemande sera considéré comme étant déjà l'expression de sympathie pour l'ennemi, collaboration, nazisme, etc. Il y aurait une vraie chape de plomb qui va s'abattre sur la population alsacienne, au point que, à ce moment-là, je dirais, nombreux sont les Alsaciens qui veulent rejeter toute identité, tout particularisme, toute langue propre, parce que ça leur paraît simplement insupportable. Quoi. Ils ne peuvent plus porter cela face à ce poids. Beaucoup de familles alsaciennes vont systématiquement parler français à leurs enfants pour simplement sortir de cette situation. Et ce contexte, disons, extrêmement lourd va se prolonger jusque dans les années 70. Et donc, à partir des années 70, on va voir des mouvements de renaissance culturelle, identitaire, dont, par exemple, culture et bilinguisme, l'association dont je fais partie, qui a été créée en 1968. Ça, c'est la dimension historique, comme vous voyez, très lourde, très, très prégnante. Et j'en viens à un troisième élément d'identification, la langue. Là, on pourrait peut-être faire une comparaison avec la Bretagne. La pratique effective de la langue est fortement reculée à partir de la Deuxième Guerre mondiale, surtout à partir des années 60. Le dialecte alsacien est parlé encore par quelques pourcents de jeunes. Bien sûr, des personnes âgées, la pratique est plus importante. La langue allemande a été systématiquement massacrée, je dirais, par l'éducation nationale. Donc là aussi, une connaissance extrêmement réduite de la langue. Alors, la question se pose de savoir, est-ce que ce facteur de la langue est encore... un élément d'identification, je pense que oui, parce qu'il est vraiment fondamental dans la constitution de la conscience régionale. Je dirais, la langue régionale, on peut la comparer un peu à un membre qu'on a coupé, hein. Quand on vous a coupé un bras, ce bras est encore là en tant que membre fantôme. Il continue à vous faire mal. Il est là en creux, en manque. Et bien, c'est comme ça que la langue est encore très fortement présente en Alsace. Moins au plan d'une compétence linguistique effective, mais plus au point d'une conscience d'une perte. Alors, mais de quelle langue parlons-nous ? Là aussi, c'est très très mal compris. Souvent en France, on dit voilà, les Alsaciens, ils parlent la langue alsacienne. Mais non, c'est un peu vague ça. On peut bien sûr dire oui, la langue de l'Alsace, pourquoi pas. Mais disons, cette langue se caractérise par deux composantes. Cette langue, c'est en fait l'allemand, avec une composante qui est constitué par les différents dialectes alémaniques et franciques parlés en Alsace et en Moselle, Et c'est l'allemand littéraire, hein, qui est la langue de référence. Et pendant des siècles, les choses étaient absolument claires pour les Alsaciens, jusque, disons, 1960. Quand on parle de la langue de l'Alsace, eh bien, on parle alsacien et on écrit allemand. Hein, voilà. D'ailleurs, c'était ainsi pour l'ensemble de l'Allemagne. Hein. On peut dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle le Hochdeutsch, les Suisses l'appellent d'ailleurs Schriftdeutsch, c'était la langue de l'écriture. Et quand on parlait, eh bien, chacun parlait son allemand régional, c'est-à-dire des formes de dialecte. Goethe lui-même, il ne parlait pas Hochdeutsch, il parlait son dialecte et il écrivait en Hochdeutsch. Alors cette combinaison dialecte-langue standard, elle est aujourd'hui comme remise en question, puisque la population, pour la plus grande part, ne maîtrise plus l'allemand. Alors dire, voilà, notre langue, c'est l'allemand, mais on ne le parle plus, c'est un peu difficile. Et donc les gens, disons, fantasment autour d'une langue qui serait l'alsacien. Mais comme dit, l'alsacien, en tant que tel, ça n'existe pas. Il y a des dialectes alsaciens et une référence écrite qui est l'allemand. Pendant longtemps, les Alsaciens ont attendu de l'État français qu'il restaure leurs compétences linguistiques par l'école. Et ce n'est que relativement récemment, bien plus tard que les Bretons, que les Alsaciens se sont finalement retroussés les manches, créés des écoles associatives pour de nouveau transmettre par la voie de l'école de façon efficace la langue régionale à leurs enfants. Ça date de début 1990. Et ça, c'est un mouvement qui est moins puissant qu'en Bretagne. Non pas parce qu'il n'y a pas une demande dans ce sens, mais il y a une conception, je dirais, peut-être ceci important à signaler, une conception du rôle de la puissance publique qui fait que les Alsaciens ont pris beaucoup de temps à admettre que cette fonction devait être assurée en quelque sorte par la société elle-même, par un mouvement associatif, par des initiatives privées, et que ça ne doit pas être le fait de la collectivité publique. Dernier point sur la langue. Ce qui est essentiel pour l'Alsace, ce n'est pas seulement la langue régionale, mais c'est le bilinguisme. L'identité alsacienne, la compréhension de la nature particulière de l'Alsace, ben c'est l'idée qu'on est à cheval sur deux cultures, deux langues, deux mondes, deux civilisations, si vous voulez. Et donc, à travers les différentes étapes historiques que je vous ai indiquées, chaque fois, on a essayé de jouer sur ces deux tableaux, d'être véritablement ouvert sur les deux cultures. Et tous les grands personnages de l'Alsace ont illustré cette double compétence sur le plan culturel et linguistique. Et donc, des associations comme la mienne mettent l'accent pas tellement sur la langue régionale que sur le bilinguisme, parce que c'est ça qui est, je dirais, l'expression véritablement de notre horizon. Évidemment, dans ce bilinguisme, il y a une langue qui, elle, ne pose pas de problème, et il y en a une autre qui est très problématique. Quatrième aspect, et ça peut peut-être vous surprendre, la religion. Hein. La religion est un élément essentiel de constitution de la personnalité alsacienne. Pourquoi cela ? Pour plusieurs raisons. D'abord, l'Alsace est la seule région de France à avoir un véritable pluralisme religieux. C'est-à-dire que on fête les 500 ans de Luther, donc dès l'avènement des idées de Luther, une bonne partie de l'Alsace est devenue protestante, malgré les traités de Münster et d'Osnabrück. Ces protestants ont pu continuer de pratiquer leur religion, contrairement au reste de la France où ils ont été persécutés et interdits, hein, après la révocation de l'édit de Nantes. Donc, forte minorité protestante, 30% environ, très, très active, et je dirais, d'une certaine manière, ça, le protestantisme a toujours trouvé plus d'écho dans les classes moyennes supérieures, et donc le catholicisme c'est plus populaire, et le protestantisme c'est plus élitiste. Hein. Deuxième élément de cette diversité religieuse, les juifs. Eux aussi, hein, bien qu'ils ont été bien sûr persécutés en Alsace comme ailleurs, ils sont quand même restés en Alsace. Et donc, si vous voulez, en 1789, la communauté la plus importante de juifs en France, c'était la communauté qui existait en Alsace et autour de Metz, en Moselle. Donc une forte présence juive, évidemment, en pourcentage, ça ne fait pas grand-chose, ça n'a jamais fait plus de 1 à 2%, mais quand même quelque chose de tout à fait prégnant, hein, pour la vie locale, la compréhension des relations interreligieuses. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons une forte présence musulmane qui, contrairement au reste de la France, est marquée fortement par les Turcs, hein, alors que dans le reste de la France, c'est souvent essentiellement des Maghrébins. En Alsace, il y a une forte composante turque. Ça, c'est le premier élément, le pluralisme religieux qui a vraiment marqué la vie collective alsacienne, les mentalités, la façon de vivre, etc. Le deuxième élément, c'est une certaine religiosité. Alors, on a fait des études sociologiques qui montrent qu'encore aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont à l'église en Alsace qu'ailleurs, que le poids des institutions religieuses est plus fort qu'ailleurs, etc. Pourquoi ? C'est une question assez compliquée, mais il y a au moins, à mon sens, un élément très important. C'est que dans ces différents changements de nationalité, l'élément religieux, les institutions religieuses, les clercs, l'appareil, clérical, était un élément de stabilité et d'identification pour les Alsaciens. Et donc, ils se sont beaucoup plus identifiés à cette dimension, je dirais, cléricale que dans d'autres régions, parce que c'était un peu le facteur, un peu comme en Pologne à l'époque communiste, le facteur de stabilité, de résistance, de reconnaissance. Il y a une thèse, d'ailleurs, que j'ai développée, à savoir que la religion est en quelque sorte, a été bien, pendant plusieurs périodes, un ersatz de la revendication régionale, de l'identité régionale. Notamment, entre les deux guerres, affirmer la volonté de constituer une région à statut particulier, d'avoir une forte autonomie, était quelque chose qui était insupportable pour les autorités françaises. Par contre, elles étaient capables davantage d'entendre une revendication religieuse, parce que cela paraissait moins problématique, moins difficile à gérer. Et donc, il y a eu une sorte d'investissement dans le religieux pour remplacer l'investissement dans la revendication nationale qui ne pouvait pas s'affirmer. Je pense à l'abbé Guy, lorsqu'on lui avait demandé est-ce que vous sentez plus français ou plus allemand, il disait je me sens plus catholique. Hein, voilà, c'est une certaine manière de dire voilà, c'est une alternative, c'est un ersatz. Et cela a joué de manière assez significative, à mon sens aussi. Et enfin, nous avons en Alsace, un statut local des cultes. Hein. Ça fait partie de ce droit local alsacien mosellan, et c'est même sa partie la plus importante. Successivement, après 70, et puis ensuite après 14, et de nouveau après 44, on a conservé ce qu'on appelle le concordat, mais c'est bien plus large, c'est-à-dire la loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace, et ce sont un régime particulier au niveau des cultes qui s'applique, qui est caractérisé par le fait que les institutions cultuelles, les grands cultes catholiques, protestants, juifs, sont en quelque sorte considérés comme faisant partie des institutions publiques, hein, sont rémunérés par l'État, reconnus comme en quelque sorte acteurs social dans la région. Et cet élément est également très important. J'essaie d'avancer pour ne pas trop traîner. Enfin, dernier point, la question des mentalités. Alors, c'est un sujet qui est très difficile à aborder. Qu'est-ce que ça veut dire, les mentalités? Très rapidement, on est un peu dans du journalisme un peu facile. Les Alsaciens sont plus ceci et moins cela. Ils sont travailleurs, disciplinés, mais d'un autre côté, ils sont quand même, ils aiment bien la gastronomie française, etc. Enfin bon, je dirais, il y a cette dimension un peu folklorique lorsqu'on parle des mentalités, dont il faut justement s'extraire, parce que le folklorisme est, à mon sens, l'ennemi de l'affirmation autonomique. C'est la forme de la spécificité régionale ou de l'affirmation d'une identité, d'un groupe qui est justement réduit à un état mineur, à une dimension qui justement ne gêne plus le système, centralisé en place. Il reste que, c'est vrai, il y a une tradition, il y a des mentalités, il y a des modes d'organisation spécifiques à l'Alsace, et il y a un état d'esprit, j'allais dire, bon, certains diront, voilà, plus discipliné, mais je dirais peut-être, pour être un peu plus négatif, plus résigné aussi, plus soumis, hein, les Alsaciens, ne sont pas des combatifs, ils ne se sont révoltés ni contre aucune de ces annexions successives. Ils se réfugient un peu sur la vie individuelle, donc on avait dit religieuse, gastronomique, intellectuelle, mais ce ne sont pas, il n'y a pas une tradition de bonnet rouge. Voilà, on nous a supprimé notre région Alsace en 2013. Ben, les Alsaciens ne sont pas allés casser, brûler les préfectures. Ils ont protesté sagement, fait des pétitions, et puis comme on a ignoré ces pétitions, bah, ils se sont écrasés. Hein, voilà. Ça, c'est un aspect des Alsaciens, ce côté un peu, d'une forme de résignation. Il y a aussi ce qu'exprime ce droit local alsacien moderne, qui ne s'applique pas que dans le domaine des cultes. C'est un ensemble de dispositions juridiques qui sont assez diverses dans les domaines les plus variables. Je dirais leur fonction principale est une fonction un peu emblématique, c'est-à-dire que c'est une façon pour les Alsaciens de dire quand même nous restons ce qui nous sommes, hein, ce qui est très important, et ça exprime aussi différentes valeurs. D'abord, l'attachement au corps intermédiaire. Un des points communs à ce droit local, c'est que les Alsaciens sont attachés au corps intermédiaire, alors qu'on sait bien que l'idéologie française, c'est la destruction des corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, c'est bien sûr les églises, on l'a vu, mais c'est aussi un certain nombre de professions qui ont un statut particulier en Alsace-Moselle, les notaires, les avocats, les artisans, etc., etc. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Voilà, maintenant, donc ce tableau, les éléments d'identification de la spécificité alsacienne, comment peut-on analyser ces éléments, comment peut-on en quelque sorte les interpréter au regard des concepts que nous utilisons habituellement pour comprendre ce genre de situation. Alors, je vais poser donc une série de questions. Les Alsaciens, un peuple, les Alsaciens, une nation, les Alsaciens, une minorité, etc. D'abord, un peuple. Peut-on parler d'un peuple alsacien? Alors, bien sûr, vous le savez comme moi, la notion de peuple est une notion essentiellement idéologique. Il n'y a pas de définition, en quelque sorte, qui permet de repérer, entre guillemets, scientifiquement, si un peuple existe ou pas. Ce qu'on peut dire des Alsaciens, c'est que ils n'ont pas tellement utilisé ce vocable pour se désigner eux-mêmes. Lorsque Valls, à la tribune de l'Assemblée nationale, a dit « il n'y a pas de peuple alsacien », là, ils se sont réveillés. Ils ont dit « ah, ça, quand même, on ne l'accepte pas ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement revendiqué positivement le peuple, mais qu'on leur refuse négativement le qualificatif. Ça les a quand même outrés. Alors, il faut dire qu'il y a une sorte de difficulté à utiliser la notion de peuple, peut-être pour la situation actuelle de l'Alsace, pour deux raisons, un peu d'ailleurs contradictoire. La première raison, c'est que si l'on regarde aujourd'hui la population alsacienne, on peut dire qu'il reste peut-être moins de 50% d'Alsaciens de souche, entre guillemets. Hein. Les différentes immigrations successives, les Français de l'intérieur, il y a un processus d'immigration organisé, hein, un peu comme l'ont fait les Russes dans les Pays-Baltes, faut dire la réalité. Donc les Alsaciens ont été dilués dans une masse de gens venus d'ailleurs, les Français de l'intérieur, puis l'immigration extrêmement forte, donc là, l'immigration au sens traditionnel du terme, maghrébins, turcs. Il y a une ville comme Mulhouse a peut-être 50% d'immigrés de ce type. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même un pourcentage extrêmement important. Alors comment parler d'un peuple alsacien quand vous avez, je dirais, cette hétérogénéité désormais? Il faudrait que les nouveaux venus, en quelque sorte, adhèrent à une culture, à une vision qui est commune, mais évidemment tout l'appareil, public va dans un sens différent. L'école ne parle pas de l'Alsace, les médias ne parlent pas de l'Alsace. Comment donc un Turc venu d'Anatolie pourrait finir par se considérer comme alsacien? C'est une des grandes questions. Deuxième problématique, c'est que les Alsaciens sont-ils un peuple propre? Ne sont-ils pas plutôt un élément d'un ensemble ethnique beaucoup plus large, ce qu'on appelle peut-être l'Allemagne, hein, puisque finalement, si l'on prend les habitants traditionnels de l'Alsace, eh bien, je dirais, sur le plan de leur origine historique, de leurs caractéristiques culturelles, de la langue traditionnelle, etc., c'est la même population qu'en Suisse, alémanique, qu'au Bas-de-Württemberg, au Palatinat, etc. Et donc, les Alsaciens, si on les considère comme des Alamans, eh ben, c'est pas les Alsaciens qui sont un peuple, mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Certains, d'ailleurs, avec un peu d'humour et un peu d'exagération, comparent ces Alamans aux Kurdes d'Europe occidentale, un peuple qui n'a jamais trouvé un État pour se constituer et qui est réparti entre plein d'États. Donc, peuple alsacien, on peut avoir des interrogations. Faut-il alors parler de nation alsacienne? C'est vrai qu'un peuple, je ferai la différence peuple-nation pour dire le peuple, c'est met l'accent sur les caractéristiques culturelles, linguistiques, sociales de la population. La nation, on met l'accent sur son projet politique davantage. Hein. Voilà, alors... on peut dire qu'il y a eu un avènement, une émergence, mais non pas une réalisation, d'une nation alsacienne durant cette période 1870-1918. Il s'est vraiment constitué une nation alsacienne-lorraine avec une organisation spécifique, un parlement propre, une vie politique propre, des institutions caractéristiques, une vie relativement unitaire au plan économique et culturel. Et ceci a été évidemment aurait dû même d'une certaine manière, ça aurait été peut-être mieux déboucher en 1918 sur la reconnaissance d'un statut un peu comme le Luxembourg, quelque chose comme ça. Et ça a été balayé donc par le traité de Versailles. Les autorités françaises n'en ont bien sûr pas voulu. Et donc cette nation-là a été interdite, elle a disparu. Il faut dire aussi d'ailleurs que du côté des Alsaciens, le terme de nation a toujours été un peu empreint de scepticisme, parce qu'ils ont été tellement victimes du nationalisme, le nationalisme français, le nationalisme allemand, que développer un nationalisme alsacien, ça a existé donc à ce moment-là et aussi encore après 1918, mais c'est quelque chose qui a des difficultés à rallier une population qui ne veut pas de nationalisme finalement. Troisième aspect, est-ce que on peut en quelque sorte subsumer ces différentes composantes de l'identité alsacienne en termes de minorité, minorité nationale, minorité linguistique? Alors le terme de minorité nationale était quelque chose de très en vogue, entre guillemets, après 1918, et effectivement, je dirais, l'ensemble de l'Europe considérait là, à l'époque, les Alsaciens et les Mosellans comme une minorité nationale. En France, il y a eu un mouvement autonomiste qui revendiquait aussi cette qualification. Nous sommes une minorité nationale qui a droit à un statut particulier et à la préservation de sa spécificité culturelle. Le Parti communiste, entre les deux guerres, avait d'ailleurs reconnu ce qualificatif l'Alsace-Lorraine, conformément à la théorie de la reconnaissance des minorités qui étaient appliquées au niveau de l'ensemble du mouvement communiste international. Mais là encore, le pouvoir français n'en a pas voulu, comme vous le savez, selon la position, qui est encore la position officielle actuelle française, il n'y a pas de minorité en France, puisque tout le monde est égal. Hein, voilà, égalité, liberté, égalité, fraternité, signifie qu'il n'y a pas de minorité. Et donc, ce mouvement autonomiste d'entre les deux guerres a été brutalement réprimé. Pour donner une idée, en 1928, des députés donc alsaciens ont été arrêtés le soir de Noël pour être mis en prison sous prétexte qu'il y avait pour motif de haute trahison, parce qu'ils défendaient des idées autonomistes. Ils ont, alors qu'ils étaient en prison, été réélus de manière tout à fait large par la population et à nouveau invalidés par le Conseil d'État. Donc vous voyez, c'était des phénomènes de répression assez forte, et encore en 1939, donc au moment du début de la guerre, tous les autonomistes, enfin les chefs autonomistes ont été enfermés en prison, et ils ont finalement été libérés par les Allemands, ce qui évidemment a par la suite créé une image très problématique de l'autonomisme par la suite, même si on ne peut pas vraiment leur reprocher d'avoir été des traîtres. Donc, minorité nationale, c'est encore une forme d'organisation, de réalisation, d'identification qui n'a pas abouti. Il faut dire aussi que là encore, depuis, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale, les Alsaciens eux-mêmes ont renoncé à une telle revendication d'être reconnus comme minorité nationale. C'est lié aussi, je dirais, à la psychologie collective alsacienne qui, à force d'être tiraillée d'un côté et de l'autre, est surtout soucieuse, non pas d'avoir un statut particulier, mais d'être reconnue, d'être compris, d'être, disons, la volonté des Alsaciens, c'est d'être intégrés correctement dans le respect de leur spécificité. Si l'on prend par exemple cette problématique des malgré nous, les Alsaciens ne demandaient pas que maintenant que l'Alsace puisse disposer d'un statut propre dans le cadre duquel les Alsaciens auraient eux-mêmes légitimé incorporés de force. Non, ils voulaient que ce soit la France qui reconnaisse ces incorporés de force comme ayant subi une injustice de la part des autorités françaises, aussi bien sûr de la part des autorités allemandes pour avoir été incorporés de force, mais de la part des autorités françaises pour avoir été considérés comme de mauvais français. Hein, ils veulent une réhabilitation et pas être une minorité. Alors finalement, il reste quelques minutes, une autre présentation des choses, l'idée d'une région biculturelle à statut particulier. C'est peut-être ça, la forme dans laquelle les Alsaciens sont les plus disposés à se reconnaître, et une forme de demande qu'ils formulent de manière assez timide, mais que manifestement correspond à leur attente. Alors, l'association que je représente s'appelle Culture et Bilinguisme René Schickele-Gesellschaft. Alors, on a pris comme en quelque sorte figure de proue René Schickele, qui est un auteur alsacien, de mère française, de père alsacien, qui a en fait fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne parce qu'il a écrit en allemand. Donc il s'est défini lui-même comme Deutscher Dichter et citoyen français, poète allemand et citoyen français. Et c'est ce René Schickele qui a lancé l'idée d'une alsacianité de l'esprit. La définition de l'Alsace, la caractérisation disons en quelque sorte de l'âme alsacienne, le fond de la particularité alsacienne, ce n'est pas quelque chose qui se situe au niveau d'une revendication nationale. On ne veut pas être pas de nationalisme français, pas de nationalisme allemand, pas de nationalisme alsacien. On veut être au-dessus de tout ça. C'est une alsacianité de l'esprit qui se veut d'abord franco-allemande, pleine ouverture sur la culture française et la culture allemande dans une perspective européenne. Voilà. Ça, c'est cette alsacianité de l'esprit, elle se caractérise par le fait que justement on veut transcender ces traditions nationales, y participer et en même temps les dépasser. Cette vision de l'Alsace, d'une sorte d'autonomie spirituelle, si vous voulez, c'est, à mon avis, ce qui correspond le mieux à la réalité alsacienne. Ce n'est pas partagé par tous les Alsaciens, parce qu'on a bien sûr une partie des Alsaciens qui se laissent séduire par, je dirais, une vision un peu folklorisante à la Annecy de leur propre identité, les maisons à colombages, la choucroute, les cigognes, etc. Et qui voudraient définir leur Ländel, leur petit pays, leur petite patrie, par des choses qui seraient vraiment tout à fait spécifiques à ce cordon que correspond l'Alsace. Cela, évidemment, je dirais, un peu racorni, et puis c'est en plus de ça faux, parce qu'il y a, je dirais, si l'on prend le terme de tradition folklorique au bon sens du terme, c'est justement ce qui est le plus international, finalement, entre la musique alsacienne et la musique d'autres régions. Il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Donc, toutes ces choses que l'on voudrait, les colombages, vous en trouvez bien sûr aussi en Bretagne. Toutes ces choses que l'on voudrait être vraiment de la spécificité alsacienne, c'est pas très consistant. Par contre, cette idée que oui, l'Alsace est entre la France et l'Allemagne et un élément qui ne peut se réaliser que dans le cadre de l'Europe, ça a du sens et ça a de l'avenir. Ça peut aussi faire adhérer, je dirais, ces nouveaux éléments de population que j'ai évoqués tout à l'heure, leur proposer un projet qui est un projet de développer la spécificité de l'Alsace en profitant de ce cadre transfrontalier dans une perspective européenne. Ça a du sens aussi pour un Turc. Et d'ailleurs, les Turcs d'Alsace et les Turcs de Bade sont ceux qui pratiquent le plus, la coopération transfrontalière concrète et immédiate. Donc, il y a là un projet qui peut donner du sens à tout le monde, mais qui est évidemment un peu dirais, un peu abstrait. Et, pour ça, est-ce qu'on peut le réaliser seulement à partir des instruments que nous offre la vie sociale en dehors des institutions publiques? Cela me paraît vraiment difficile. Alors bien sûr, on pourrait dire il y a les élus locaux, les associations, les syndicats, etc. Mais nous constatons que, en fait, toutes ces structures sociales sont comme les structures politiques déjà centralisées, déjà marquées par une organisation centrale. Les partis politiques alsaciens, malheureusement, ce sont les partis politiques nationaux, et donc les élus alsaciens de ces partis, quelle qu'en soit la couleur, vont défendre une politique nationale, ils ne vont pas défendre un projet régional. On pourrait dire la même chose pour les syndicats, pour la plupart des associations, et aujourd'hui c'est encore pire, puisqu'à l'occasion de la réforme régionale que vous n'avez pas connue, il y a une sorte de véritable démantèlement des structures régionales alsaciennes, pour les remplacer par des structures régionales Grand Est qui n'ont aucune signification, qui sont une construction purement technocratique, abstraite et étrangère à la vie locale. Donc il est nécessaire d'avoir quand même des institutions pour réaliser ce projet régional. Pas forcément des choses extraordinaires, mais à mon sens, il est nécessaire que l'école soit régionalisée d'une façon ou d'une autre, que cette école parle de la région où elle se trouve, enseigne la langue de cette région. Comme le disait Pierre Klein, un ami et quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Alsace, il n'y a pas d'identité sans identification, c'est-à-dire qu'il faut un processus d'identification qui amène les gens à se sentir alsaciens. Cela vaut pour la France, cela vaut a fortiori pour l'Alsace. Nous avons une inquiétude quant à l'évanescence possible de l'identité française. Alors bien évidemment, ça vaut encore bien davantage pour l'identité régionale. Il faut que cette région dispose des compétences qui lui permettent de mettre en œuvre elle-même la coopération transfrontalière et développer une législation locale. Je ne pense pas qu'il soit possible à une institution, à une région comme l'Alsace, de sortir de ces complexes, puisque je vous ai bien montré que finalement, ce qui caractérise l'Alsace, c'est que encore les Alsaciens sont encore très complexés par rapport à leur histoire, par rapport à leur langue, par rapport à cette dualité. Et pour donner légitimité, donner un caractère positif et montrer que c'est un chemin pour l'avenir à ces éléments, il faut en quelque sorte, des institutions publiques légitiment ce choix. Voilà, je vais en rester là et je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Merci beaucoup. Donc on va passer aux questions, Massac, mais juste avant, moi j'ai une petite question à vous poser. Qui reste déjeuner ce midi? Parce qu'il faut que je prévienne le resto du nombre de personnes qu'on a. Donc si vous voulez bien m'indiquer que je puisse compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien sûr, 10, 11. Tu restes pas, d'accord. Donc voilà, on peut passer aux questions. Excusez-moi, je m'absente un instant. Qui commence? D'abord, est-ce que ça entre un peu dans votre problématique? On avait plus axé notre année 16-17 sur l'autonomie, mais l'autonomie vue comme pas forcément l'autonomie institutionnelle, l'autonomie comme une prise en charge par la communauté de ses propres problèmes. Mais justement. Ma réponse est de dire pas possible. Bien sûr, justement, une question, Jean-Marie, est-ce qu'à la suite des élections, quel que soit le résultat, vous entrevoyez une possibilité de revenir sur le, le découpage régional énorme que vous avez là-bas dans l'Est? Alors, c'est une demande d'une très grande majorité de la population, hein, c'est incontestable. Mais, comme je l'ai dit, les Alsaciens n'ont pas les capacités d'affirmation qu'ont les Bretons à cet égard. Et pour le moment, les choses sont assez floues. Les différents candidats ne se sont guère prononcés à cet égard. Le vainqueur probable, Emmanuel Macron, n'a rien dit sur le sujet. D'ailleurs, il n'a rien dit sur la décentralisation, la reconnaissance, le renforcement des compétences régionales. Donc ça va être très dur avec lui d'aboutir à cette remise en cause. Il faudra qu'à un moment donné, que les Alsaciens trouvent des voies plus efficaces pour se faire entendre. Est-ce que vous pensez pas que c'est dans une union entre toutes les associations régionalistes, basques, occitans, bretons et alsaciens, une sorte de pétition nationale venant de la population, comme base, disons, de cet effort que se trouve une des solutions? Alors, bien sûr, nous travaillons, nous, les Alsaciens, avec les Bretons, les Basques, etc. Mais il y a deux difficultés. C'est que quand chacun est un peu dans sa situation particulière. Les Bretons n'ont pas tellement été touchés par cette réforme. Les Corses non plus. Les Basques, de toute façon, n'étaient déjà pas c'est une... C'est pas faute d'avoir essayé. Pardon ? C'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'on avait quelque chose à y gagner, nous aussi. Et donc, chacun dans sa situation particulière. Et en plus de ça, dans chacune de ces régions... Je dirais, ceux qui portent l'idée d'une culture régionale sont quand même pas très puissants. Hein. Donc, je dirais, une union de faibles, ça fait quand même une union faible. Hein. Et donc, c'est bien sûr, il faut toujours aller dans cette direction-là. Mais pour le moment, ça paraît être un chemin très long. Il faudrait en réalité, à mon sens, que... Dans chacune de ces régions, des partis régionaux se développent, parce que je crois que les partis nationaux ne prendront jamais en compte ce genre de revendications. Il faut, comme dans d'autres pays, que des partis régionaux finissent par avoir une influence suffisante, et ces partis peuvent ensuite se fédérer au niveau national pour obtenir quelque chose. Il y a un sujet, c'est l'histoire régionale. Il y a un sujet, c'est l'histoire régionale qui permet justement d'éveiller la conscience. Oui. Mais comme je l'ai dit, l'histoire régionale, elle est occultée par le système scolaire tel qu'on le connaît. Elle n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de prise en compte. Et je ne vois pas d'ailleurs d'évolution très favorable dans l'avenir. La seule formule serait d'arriver à une certaine forme de régionalisation de l'enseignement, selon des formules diverses. Là encore, c'est quelque chose qui paraît encore aujourd'hui comme tabou. On peut d'ailleurs se poser la question si l'on garde un système de partis nationaux, hein, est-ce qu'une forme quelconque de régionalisation aura une efficacité? Regardez le domaine, par exemple, culturel. Hein. On a bien fait une décentralisation qui a donné des ressources aux collectivités locales qui leur permet de mettre en œuvre une politique culturelle propre. Hein. Les collectivités locales ont dans ce domaine une très grande liberté. Regardez ce que les collectivités locales ont fait de leurs compétences culturelles. C'est généralement la reproduction disons pour 90% de leurs ressources, la reproduction de ce que le système national aurait fait tout seul, sans aucune décentralisation. Donc en fait, ces élus locaux, mais aussi ces fonctionnaires locaux qui maintenant sont formés de manière uniforme au niveau de l'ensemble du territoire, reproduisent un modèle national et ne cherchent pas du tout à faire émerger une véritable culture régionale. Je ne dis pas qu'il ne devrait plus y avoir que du régional dans la culture, mais disons, on pourrait quand même passer, l'état actuel, on peut dire, là, je prends le cas d'Alsace, je dirais, la prise en compte, sous une définition très large, de la culture et de la langue régionale par les budgets locaux, c'est 0,1%. Hein. Alors, si on passait de 0,1 à 5, ce serait déjà une multiplication de 50. Hein, et ce ne serait pas encore beaucoup. Hein. Donc, je voulais juste enchaîner sur la proposition qui a été faite par le monsieur à droite. À propos des élections présidentielles, il se trouve qu'il y avait un candidat potentiel en Bretagne, donc il se trouve Alec, le maire de Le Carré, qui effectivement a à peu près la même réflexion que vous, en disant que si on attend que ce soit effectivement les dirigeants parisiens, jacobins qui reconnaissent, on n'y arrivera jamais. Donc l'idée d'unir les différentes formes. Donc ce que je voudrais savoir, c'est comment, s'il a été accueilli, si sa candidature où sa connaissance potentielle a été bien accueillie en Alsace, et si éventuellement il aurait pu collecter un certain nombre de signatures qui auraient pu permettre d'atteindre la fameuse barre des 500. Oui. Alors, disons, le parti régionaliste alsacien s'appelle Unserland. Il a été boosté, évidemment, par la réforme régionale. Il est passé de 1% à 8-10%. Et ce parti a exprimé son adhésion au projet Troadec. Il y a aussi eu un candidat alsacien, mais qui n'était pas très sérieux, qui lui a disparu lui aussi. Mais ça, c'est un parti en train de se développer. Au niveau des élus locaux, je ne sais pas si Troadec aurait eu beaucoup de succès. Sans doute, il aurait recueilli un certain nombre de signatures, mais le paysage politique alsacien est malheureusement assez peu ouvert à tout ça. Hein. Donc, vous avez une très forte majorité républicaine, hein, les Républicains. Dans les villes, Strasbourg, vous avez quelques socialistes. Et puis maintenant, vous avez aussi beaucoup de Front National. Hein. Pour revenir peut-être à cette question d'identité, comment expliquer ce très fort vote Front National en Alsace? Alors, il y a l'explication, je dirais, jacobine, consiste à dire que les Alsaciens votent Front National parce que c'est leur côté germanique. Ils veulent un homme fort, ils veulent les traces du nazisme qui a existé en Alsace. C'était évidemment complètement idiot comme argument. Une bonne part du vote Front National en Alsace s'explique comme dans le reste de la France, c'est le rejet des partis traditionnels qui sont considérés comme n'ayant pas géré correctement le pays. C'est deuxièmement non pas le racisme mais la peur par rapport aux étrangers. Alors, je vous dis, c'est quelque chose qui est un peu compréhensible quand vous êtes à Mulhouse et que vous habitez un quartier où progressivement les derniers habitants traditionnels partent et vous êtes bientôt seul entouré d'immigrés. Les gens ne s'entendent pas forcément mal avec ces gens-là, mais ils s'inquiètent de ce que ça va donner. Alors ce qui est vraiment peut-être original pour l'Alsace, c'est ce que je expliquais tout à l'heure. Les Alsaciens sont à la fois mécontents de la manière dont la France les traite, hein, et ils sont en même temps soucieux d'affirmer, à cause de ces nombreux changements de souveraineté, leur adhésion à la France. Hein. Alors, comment, en quelque sorte, résoudre cette équation à la fois de critiquer un pays tout en affirmant son adhésion à ce pays? Le Front National répond à cette équation d'une certaine manière, puisque le Front National est un parti anti-système, mais qui se veut avant tout national. Et donc, je pense beaucoup d'Alsaciens ont, disons, ont voté Front National, pas tellement par adhésion aux thèses du Front National, mais parce que cela leur permet de concilier ces deux mouvements contradictoires. Et d'ailleurs, je dirais, il y avait avant le Front National un autre vote qui était encore beaucoup plus massif, c'était le vote gaulliste, hein, dans les années, jusque dans les années 80. Le vote gaulliste faisait 80%, et c'était un peu la même chose. Le vote gaulliste était un vote anti-système contre les partis traditionnels et en même temps affirmation d'une adhésion nationale à un personnage qui exprimait vraiment la France au-dessus des partis, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour le moment, la situation, disons, politique d'Alsace, c'est quand même très, très peu, disons, favorable à l'émergence d'un parti régional. Unserland a de la peine à trouver son chemin. On verra ce que ça va donner. C'est un parti qui s'occupe plutôt sur la politique à gauche, à droite, Unserland. Ils font l'effort d'être plutôt à gauche pour justement bien montrer que toutes les accusations, disons, dont la presse d'ailleurs ne se prive pas, qu'il serait une nouvelle forme d'extrême droite, etc. Et donc ils font systématiquement des options, je dirais, plutôt de gauche pour bien se démarquer de cette tendance. Il y a bien aussi, il y a comme ça quelques groupuscules qui sont également régionalistes de droite, pas d'extrême droite, mais qui représentent rien du tout. Hein. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle les Alsaciens Réunis, qui a finalement appelé à voter Le Pen, mais ces gens-là, je dirais, ils font leur assemblée générale dans une cabine téléphonique. Hein. C'est pas vraiment, ça ne présente rien. Vous avez parlé du carcan administratif, du fait que les partis sont les mêmes partout, etc. Vous nous avez dit aussi que les Alsaciens avaient une sorte de, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de soumission un petit peu. En tout cas, ils ne se révoltaient pas. Mais en même temps, vous avez dit aussi qu'il y avait ce projet un petit peu d'alsacianité de l'esprit, d'ouverture, etc. Concrètement, qu'est-ce qui se fait dans la société alsacienne qui va dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des moyens de contourner un petit peu justement les contraintes de l'État, et est-ce qu'il y a des initiatives fortes? Alors, il y a des initiatives, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment très fortes. Hein. Il y a bien sûr des associations culturelles comme celle que je représente, mais on ne peut pas dire qu'on est très fort. Hein. On a une reconnaissance assez bonne, mais on ne peut pas dire que c'est vrai, qu'on est vraiment puissant. On a créé ensuite nous-mêmes toute une sorte d'antenne sous forme d'associations spécialisées. On a créé ABCM, Jacqueline a été la vice-présidente, qui est une sorte de diwan alsacien. On a créé une association des parents d'élèves pour le bilinguisme, on a créé une association des enseignants pour le bilinguisme, etc. Mais je dirais, toutes ces associations ensemble sont marquées quand même par une assez grande faiblesse, il faut le dire très franchement. Et je suis très admiratif de ce qui se passe en Bretagne, où c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus fort. Et alors, pourquoi cela? J'ai esquissé une des raisons, c'est que les Alsaciens sont finalement assez étatistes. Hein. Ils attendent que les choses viennent d'institutions publiques. Donc, jusqu'à ce que le déclic se fasse, que jamais ils n'auront de la part de l'école publique un enseignement de la langue régionale, ça a pris beaucoup plus de temps que chez les Bretons. Donc la tendance est quand même de considérer que ça devrait être fait par les pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas un mouvement très, très fort. Alors, le mouvement associatif en Alsace est très développé. Il y a énormément d'associations, beaucoup d'associations d'histoire, d'entretien du patrimoine, toutes ces choses-là est très, très vivant. Mais ces associations ont peur de tout ce qui est politique et ne sont pas un soutien finalement pour nous. On a par exemple aussi quelque chose qui est très important en Alsace, c'est le théâtre alsacien. Donc c'est le théâtre dialectal. C'est très populaire, ça draine énormément de monde. Mais ces associations donc, ne se sentent pas solidaires de celles qui ont une action plus politique au sens large du terme. C'est-à-dire, par exemple, mon association à moi, qui ne fait pas de politique, mais qui pose les problèmes en termes politiques, les théâtres alsaciens ne veulent pas se rapprocher de nous. Ils veulent faire du théâtre, point. Hein, voilà. Mais Jacqueline voulait peut-être ajouter quelque chose. Non, mais on peut dire que le mouvement pour les classes et les écoles bilingues a ceci d'intéressant, qu'il attire les jeunes parents. Et donc, on peut dire que c'est, de ce point de vue-là, c'est un espoir, parce que c'est le vécu de la langue régionale qu'ils n'ont plus eue par leurs enfants. Et c'est quand même assez significatif. Bon, il y a combien, 25 000 enfants concernés dans le circuit des classes bilingues, à la fois dans l'associatif et dans le public. Le problème dans le public, c'est que c'est très pénible parce qu'il faut, les parents doivent toujours s'engager pour veiller à ce que ce soit fait correctement, qu'on forme les enseignants. Alors qu'on dit ça depuis 25 ans à l'éducation nationale, et évidemment elle est très en deçà de ce qui est exigé pour faire un enseignement correct de la langue régionale par la voie immersive, en commençant par les tout petits. C'est vraiment la voie royale si elle est bien faite. Alors donc ça a quand même une certaine signification, parce qu'on est obligé d'en parler dans les journaux, etc., surtout dans les débuts où il y a eu quelques avancées, et que donc ça représente quand même une population jeune. Alors typique de la problématique, lorsqu'on a lancé ces classes associatives, je dirais, on a trouvé un écho beaucoup plus favorable soit chez des Français de l'intérieur, comme on dit chez nous, soit chez des Alsaciens déjà complètement acculturés, mais dans les villages ou dans les familles qui baignent encore véritablement dans la culture traditionnelle, qui parlent encore alsacien, eux ont plutôt eu tendance à rejeter ce modèle. Hein. Ça ne nous surprend pas. On a pris conseil auprès d'un grand sociologue européen pour demander quelle est la meilleure façon de procéder. Alors bon, compte tenu de ce que Jean-Marie vient de décrire, il faudrait commencer dans les villages où justement c'est encore vivant, etc. C'est là qu'on s'est fait rejeter durement à certains moments, en disant nous, il nous faut le français, c'est le français, on n'a pas besoin de ça. Et donc c'est plutôt dans les grandes villes que ça a commencé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre problématique par rapport à l'enseignement public et par rapport à la politique menée, disons, par l'éducation nationale, qui fait aussi favoriser éventuellement l'enseignement de l'allemand? Je caricature en disant c'est des jeunes qui apprennent l'alsacien, mais on leur propose l'allemand déjà, donc ils ont une même solution. Ah oui, on peut penser que vu de Paris, en gros, c'est la même chose. Quoi. C'est-à-dire oui, que, c'est possible, mais l'allemand, alors considéré comme. C'est pas une langue fonctionnelle, quoi. C'est vraiment de l'enseignement théorique. Il faut préciser, donc, pour la tradition a toujours été en Alsace, que la langue de l'enseignement, c'est l'allemand. Donc, les mouvements régionalistes, eux aussi, ils demandaient l'allemand. Hein. Demandaient l'alsacien, on n'était pas contre, mais on ne l'a pas fait parce que justement, on voyait bien que. Les familles pour qui ça avait un sens n'étaient justement pas demanderesses. Par contre, les familles qui ont porté le mouvement étaient des familles qui voulaient de l'allemand parce qu'elles voyaient là justement cette ouverture culturelle Donc je dirais la famille bretonne en Alsace qui soutenait les classes bilingues voulait de l'allemand, elle ne voulait pas de l'alsacien. Hein, voilà. Et d'ailleurs, l'alsacien, je dirais, c'est clair que on peut bien sûr parler alsacien, mais dès que l'on se met à apprendre l'écriture, la lecture, à travailler sur des cahiers, c'est l'allemand qu'on utilise, puisque l'alsacien, ce n'est qu'un dialecte, donc il n'y a pas de forme normée pour l'alsacien. Sans parler du fait qu'évidemment aussi, l'Alsace, c'est un peu comme en Bretagne, si vous avez un enseignant qui veut bien parler alsacien, mais qui vient du sud et qui est employé dans une école du nord, et ben les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il parle ce type-là, on ne comprend pas. Hein. Voilà, mais vous allez après. Il a déjà commencé à répondre à la question que vous avez posée, c'est un petit peu les spécificités de l'enseignement de l'alsacien, enfin, en fait des dialectes, compte tenu du fait que la forme normalisée est l'allemand. Donc je dirais, sur le plan de l'organisation de l'enseignement, ça peut être différent, par exemple, de ce qui se passe en Bretagne. C'est-à-dire que s'il faut transmettre des formes dialectales, alors je ne sais pas quelles sont les... Oui, mais justement, c'est comme en Bretagne. C'est-à-dire, en Bretagne aussi, vous avez des dialectes et vous avez une forme standardisée du breton. À l'écrit. Hein? À l'écrit, pas à l'oral. Oui. Alors, je dirais, donc, la langue de l'enseignement, c'est la forme standard. Alors, en ce qui concerne l'oral, la tradition, c'est de passer à la forme standard aussi, à l'oral, à partir d'un certain niveau d'enseignement. Mais je dirais, l'école publique, elle, c'est bien simple, elle ignore le dialecte. Hein. Il a toujours été interdit, était puni quand on parlait le dialecte, maintenant on n'est plus puni, mais je dirais c'est l'enseignant qui est puni quand il parle le dialecte, parce qu'il n'a pas le droit. On veut bien qu'il y ait un enseignement d'une langue, mais c'est l'allemand, point. Je dirais, notre vision à nous, c'est de dire les enseignants parlent ce qu'ils savent parler, hein, et comme nous n'avons plus tellement d'enseignants dialectophones, nous sommes amenés à recruter des enseignants allemands très souvent, et ceux, ils parlent alors, non pas le Hochdeutsch de la télévision, mais ils parlent leur langue, c'est-à-dire s'ils sont autrichiens, ils parlent avec l'accent autrichien, s'ils sont badois, ils parlent avec l'accent badois, mais c'est quand même aussi un enseignement là, d'allemand. Hein. Si l'on voulait avoir un enseignement... Oui. Après la guerre, la dernière guerre, les élus ont quand même revendiqué, là, ils ont pris une position pour revendiquer la présence de l'allemand à l'école. Et c'était jamais l'alsacien. Oui. Donc de là a été organisé un enseignement de l'allemand de quelques 1 à 3 heures, ça date de là, en primaire, dans l'école primaire. Et justement, il y a, en pensant que, comme les enfants étaient encore dialectophones, cet allemand, ces deux aspects de la langue pourront se renforcer grâce à la présence de l'allemand à l'école. Mais ceci, ça s'est un peu étiolé dans la mesure où, justement, il y a eu un brassage de population, et les enfants qui venaient d'ailleurs ne trouvaient pas leur compte dans ces quelques moments d'allemand parce que c'était trop étranger. Ce qui vient que ça s'est effiloché. Non, ça a toujours existé. Et ça a quand même existé, mais c'est fait plus ou moins. Enfin, ça dégoûte parfois les enfants de choisir l'allemand sixième, ceux qui ne sont pas dans l'enseignement bilingue et dans l'enseignement traditionnel. Ça aboutit plutôt à ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est quand on a lancé les classes bilingues, dans les discussions avec les parents, la question se posait quand même en maternelle. On pourrait choisir ensemble de commencer par le dialecte et ensuite de passer au Hochdeutsch au CP, à partir du CP, hein, tout en pouvant continuer à faire des choses en dialecte, hein, c'est-à-dire de la poésie, du théâtre, des choses comme ça, dans la foulée. Ça aurait été idéal. Mais évidemment, à l'époque, l'alsacien était tellement déconsidéré qu'on n'a pas réussi à avoir... des groupes de parents choisissant cette solution. Mais l'association ABCM qui a lancé tout ça et qui continue d'exister par 10 écoles, elle a retrouvé le chemin quand même du dialecte et le propose dès le début de la maternelle aux enfants, si bien qu'il continue d'être proposé au long de la scolarité jusqu'au collège. Donc il a une présence dans ces écoles-là, mais à l'éducation nationale, pas du tout, alors qu'il y avait peut-être un texte à un moment qui devait assurer l'accueil des enfants pour dialectophones en dialecte, mais comme c'est de moins en moins le cas et que les enseignants sont de moins en moins capables de le faire, tout ça s'est tombé. Mais il y avait une petite circulaire, je pense, à un moment donné qui prévoyait cet accueil dans la langue régionale sous l'aspect de dans la presse locale, très locale, il n'y a pas parfois des textes qui paraissent non normés en dialecte. Alors il y a régulièrement, vous n'avez peut-être pas terminé de poser. C'était par rapport à l'accompagnement des enseignants. Oui. Est-ce qu'il existe, par exemple, dans les UFR, des choses, un encadrement pédagogique pour les jeunes enseignants au niveau du dialecte? Non, il n'y a rien. Alors de toute façon, je dirais que c'est la catastrophe absolue. Contrairement aussi à la Bretagne, les SP sont des sortes de bastions anti-germaniques. Donc, en fait, les étudiants qui font l'effort par eux-mêmes, ils n'ont pas de formation en allemand. Et lorsqu'ils arrivent à l'ESP, il y a quelques heures d'allemand qui sont prévues. Mais ces étudiants ne savent pas déjà l'allemand, c'est pas ces quelques heures qui vont leur apprendre quoi que ce soit. Ce qu'il y avait eu avec Daniel Morgan à Gebrillas. Ça a disparu. Oui. Ah. Et donc, il n'y a pas, le premier problème, il n'y a pas de formation des enseignants, ni pour l'allemand, ni pour l'alsacien d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a un concours spécifique pour le recrutement des enseignants dans les classes bilingues. Ce concours implique de savoir le français et l'allemand. Et ben on n'arrive jamais à recruter autant de personnes qu'il y a de postes disponibles, parce que les candidats francophones ne savent pas l'allemand, les candidats germanophones ne savent pas le français. Bon. Donc il y a un premier problème de base qui est mieux résolu en Bretagne, mais chez nous, c'est pas de formation correcte pour les enseignants du primaire. Pas non plus d'ailleurs pour les enseignants du secondaire qui enseignent dans la matière, enseigner la géographie, enseigner la géographie, l'histoire, etc. Dans la langue. Il n'y a qu'une formation de germaniste classique pour le CAPES d'allemand, l'agrégation d'allemand, et encore là, c'est enseigné, je dirais, la fac de Strasbourg est connue pour un enseignement particulièrement rébarbatif de l'allemand. Lynn, je ne sais pas si les DNA ont toujours une édition en alsacien. Oui, alors là, c'est donc la même question. En allemand. Et je veux savoir jusqu'à quel est aujourd'hui le pourcentage de locuteurs. Alors, les locuteurs, je viendrai, mais disons, pour ce qui est des journaux, donc traditionnellement, on avait des journaux en allemand et en français, ce qu'on appelle la version bilingue. Comme toujours, bilingue est un autre mot pour dire allemand ou langue régionale, parce que c'est des termes qui sont moins choquants pour un certain nombre d'oreilles. Donc l'édition bilingue est en fait une édition allemande. C'était de l'allemand standard. Alors de temps en temps, il y a des petits articles humoristiques qui sont écrits en alsacien. Donc en phonétique quasiment, puisque si vous écrivez l'alsacien de Mulhouse et l'alsacien de Strasbourg, c'est comme deux langues différentes, quoi. Ça existe régulièrement, et puis les gens lisent ça pour se faire plaisir, mais c'est pas de l'information, c'est pas voilà. Oui, c'est le même sujet. Donc en Suisse, la Suisse alémanique, donc j'ai eu l'occasion d'étudier le roman, m'intéresser au canton des Grisons, et j'avais été étonné d'apprendre que les Allemands qui venaient en Grison devaient suivre des cours d'alémanique, puisque depuis, paraît-il, la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient les Suisses allemands voulaient prendre leur distance par rapport aux nazis, mais etc. Et donc la langue parlée dans le courant s'écartait de l'allemand classique et les Allemands qui venaient par là. Donc, est-ce qu'il y a des choses écrites en alémanique ou est-ce que c'est l'allemand aussi en Suisse? Oui, alors le Suisse, la situation suisse est très proche de la situation alsacienne. C'est-à-dire, c'est pas que. On s'est éloigné de l'allemand, c'est que dans toute l'ère germanique, il y avait traditionnellement donc une langue régionale parlée et puis une langue écrite qui n'était utilisée que pour justement la lecture et l'écriture. Ce modèle est resté en Suisse. Les Suisses alémaniques parlent le suisse alémanique et c'est parfois quelque chose de très éloigné, à l'oreille de l'allemand standard. Mais ils écrivent en allemand standard. Tous les journaux suisses sont des journaux écrits en allemand. La télévision alémanique parle alémanique. Alors là, à la télévision, les journalistes parlent de plus en plus d'ailleurs alémanique. Parfois, ils mélangent. Vous avez une publicité A. C'est en Hochdeutsch parce que le commanditaire, c'est un produit multinational, c'est présenté en Hochdeutsch, ou bien c'est quelque chose de plus local, la voix vous dit quelque chose en alémanique. Donc, la formule, et alors pour l'enseignement, l'enseignant, effectivement, il parle alémanique, mais les enfants écrivent allemand. Et alors, au fur et à mesure que l'on monte dans les classes, l'enseignant s'astreint à parler de plus en plus de manière standard, alors que dans les petites classes, on parle beaucoup, essentiellement alémanique. Donc, le système suisse est en fait ce qui devrait exister aussi en Alsace, d'une certaine manière. Et on peut dire que ça marche très bien, puisque l'alémanique en Suisse se porte à merveille. Ça montre qu'il n'y a pas de... Alors on dit souvent, c'est pas possible, ces enfants n'apprendront jamais correctement la langue, si on leur parle pas, etc. En fait, les Suisses parlent mieux allemand que les Allemands. Souvent, on dit qu'ils ont une connaissance, des subtilités de la langue allemande, qui est plus marquée que celle des Allemands. Et pourtant, ils parlent le suisse allemand. Alors pour ce qui est des locuteurs, comment se présente la situation actuelle? Alors c'est très difficile, comme vous le savez, de faire des statistiques sur la pratique d'une langue, parce qu'il faut savoir ce qu'on entend par pratiquer une langue. Alors quand on demande aux gens, est-ce que vous parlez l'alsacien? Vous avez beaucoup de gens qui vont vous répondre oui, parce qu'ils savent encore commander une bière en alsacien, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, quoi. Donc... la pratique courante et un peu soignée du dialecte alsacien, c'est encore peut-être 10% pour l'ensemble de la population. Et sur ces 10%, vous avez bien sûr le gros des bataillons au-dessus des 60 ans. Les enfants qui arrivent en maternelle... Je pense que c'est 1% globalement. Alors bien sûr, ce 1%, c'est 0% à Strasbourg et c'est peut-être 5 ou 6% en Alsace du Nord. Mais voilà la situation. Alors autrefois, pour revenir à cette question en relation à l'alsacien à l'allemand, le passage de l'un à l'autre se faisait de façon très fluide, très naturelle, parce que les Alsaciens regardaient la télévision allemande majoritairement. Jusqu'en 1970, l'édition bilingue avait plus de lecteurs que l'édition française. Et donc il y avait une sorte d'immersion linguistique dans l'allemand qui faisait que même si les Alsaciens ne parlaient peut-être pas parfaitement, l'allemand, il y en avait beaucoup pour qui c'était quelque chose de tout à fait évident. Il y avait aussi les travailleurs frontaliers. Et tout ça s'est donc effondré après 70. On a supprimé en Bon, c'était l'édition bilingue il y a maintenant peut-être 6 ou 7 ans qu'on a supprimé l'édition bilingue des DNA. Enfin, ils ont maintenu une petite édition pour les anciens abonnés. Oui, on s'est battu pour qu'il y ait quand même quelque chose qui subsiste, parce que ce qui existe, c'est qu'il y a un cahier supplémentaire qui est en allemand, qui est un cahier qui ne comporte pas les mêmes articles que les cahiers français, mais c'est une information un peu générale de langue allemande. Et on a obtenu ça. Voilà, donc c'est. Et alors, l'enseignement, est, pour des raisons diverses, il se fait mal, même les Alsaciens. Aujourd'hui, disons, on a un problème, par exemple, pour le travail frontalier. On constate que ce travail frontalier est très fortement handicapé par les insuffisances linguistiques des jeunes Alsaciens. Ils ne savent plus, ils savent même si peu qu'ils n'en savent pas assez pour apprendre rapidement, parce que le besoin de main-d'œuvre est tellement fort en Allemagne qu'on serait prêt à offrir des cours intensifs, accélérés, pour qu'ils puissent prendre des postes en Allemagne. Mais généralement, leur niveau est tellement mauvais qu'ils ne peuvent même pas se bénéficier de ce genre de cours. Alors là, on est en train de prendre conscience de cette situation. Pendant longtemps, les autorités, c'est-à-dire de tout genre, hein, politique, économique, etc., disaient oui, bien sûr, le bilinguisme c'est important, mais finalement, tout baigne, ça va, il y a des programmes, il y a des mesures, il y a des progrès, et donc on s'en est pas occupé. Aujourd'hui, on prend vraiment conscience qu'on a perdu 30 ans et qu'on est vraiment à un niveau extrêmement mauvais, hein, et que maintenant, ce n'est plus simplement un problème culturel, c'est un problème économique. Hein, voilà. Donc l'économique va peut-être nous sauver. Juste une dernière question. Au niveau de la télévision, est-ce que sur FR3 Strasbourg, FR3 Alsace, il y a un temps d'antenne en alsacien? Alors c'est allé en se réduisant de façon constante. On avait encore dans les années 80 des émissions dialectales assez importantes, des documentaires sur la culture régionale, etc., et en alsacien, ou du moins bilingue. Et tout ça, c'est maintenant réduit à la portion congrue. On a, je pense, 3 ou 4 minutes par jour, hein, une petite émission bidon en alsacien. Et puis, il y a une fois par mois, je crois, là, le best time, là, le truc de Anne, une émission un peu plus longue d'une heure en alsacien, voilà. Donc c'est vraiment extrêmement peu, et même ça, finalement, puisqu'il n'y a rien qui est fait pour former les journalistes, former les gens parlent alors un alsacien déplorable, oui, truffé de mots français, etc., parce qu'ils ne savent plus comment on dit en allemand, quoi. Mais beaucoup regardent la télévision allemande, tout simplement. Alors, la télévision allemande, elle était donc très regardée dans le passé. Elle l'est de moins en moins. D'abord parce qu'effectivement, les connaissances d'allemand ont reflué. Il y a une sorte aussi de perte de... Disons, alors que les frontières politiques se réduisaient, les frontières culturelles se sont développées. Et aujourd'hui, vous avez en plus de ça des difficultés d'ordre technique, c'est-à-dire avec les nouveaux... mécanisme de diffusion, eh ben, ça devient de plus en plus difficile de regarder la télévision allemande. Par exemple, si vous avez le bouquet d'Orange, eh ben, vous n'avez aucune émission, vous n'avez aucune chaîne allemande. Hein. Donc la plupart des fournisseurs d'accès en télévision Internet ne s'intéressent absolument pas à aux chaînes en allemand, hein, mais pas que l'Allemagne, il y a aussi l'Autriche, la Suisse, etc. Donc ça devient, il faut vraiment se battre encore aujourd'hui pour voir la télévision allemande, et ça va devenir de plus en plus difficile, puisqu'avec l'évolution, là, le passage de je ne sais pas, la prochaine étape où on va encore changer quelque chose sur le plan technologique, il faut vraiment se fatiguer pour encore capter quelque chose de l'autre côté. Sans parler des nouvelles difficultés qui sont maintenant également développées par une conception beaucoup plus restrictive des droits d'auteur. Donc, un certain nombre d'émissions n'ont pas le droit d'être captées en France si elles sont émises En Allemagne, on a eu ce problème tout récemment, au moment du foot, du mondial là, du football. Et ben, donc moi j'ai une chaîne, le câble, hein, et sur ce câble il y a des chaînes allemandes. Et ben les chaînes allemandes étaient occultées pendant le mondial sous prétexte que ce serait de la concurrence déloyale par rapport aux chaînes françaises. Les publicitaires ont demandé à ce que ces chaînes soient occultées, etc. Oui. Donc on va vers une frontière de plus en plus imperméable sur le plan médiatique. Et ceci dans une très large indifférence d'ailleurs des responsables politiques. Pour sortir de l'impasse politique, ne peut-on pas avoir recours à l'Internet et aux réseaux sociaux ? Alors bien sûr, on peut passer par l'Internet, c'est effectivement la solution. C'est la solution hein, pour bon, capter des choses qu'on ne peut plus capter par les méthodes traditionnelles. Hein. Alors il y a également sur Internet des sites alémaniques, hein, donc où là on écrit en alémanique. J'étais récemment à une invité par une association en quelque sorte amie du côté badois où l'on défend le dialecte donc badois hein, si vous voulez hein. Qu'ils appellent d'ailleurs pas badois mais alémanique justement. Et alors j'ai été frappé par la différence d'approche puisque là bon je dirais ils sont leur préoccupation est seulement de défendre un dialecte, puisque évidemment l'allemand, lui, je dirais, il n'y a pas de problème. Et j'ai trouvé ça quand même assez pauvre et assez limité comme vision, alors que nous, on défend bien sûr le dialecte, mais on défend aussi l'accès à une culture qui est la culture allemande et que nous considérons comme étant en quelque sorte la deuxième jambe sur laquelle nous devrions pouvoir marcher, le pendant de la culture française. Hein. Et donc, vraiment, pour nous, la démarche, c'est d'abord culturelle et axée sur l'idée d'une synthèse entre deux formes de civilisation, alors que ne parler que du dialecte, c'est quand même un peu limité, à mon sens. Hein. Oui, j'ai eu courant de ma vie professionnelle d'aller plusieurs fois en Alsace, que ce soit à Strasbourg, à Bitche, qui est la partie Mosellane, puis Mutzig aussi, je ne sais quoi là. Et en discutant avec les gens, ils m'ont montré, eux-mêmes me disaient qu'ils n'avaient pas un sentiment identitaire comme nous, on avait les Bretons. Il reconnaissait et pourtant, je me rappelle à Bitche, il y avait trois interlocuteurs, il y avait deux Alsaciens. Au début, on a commencé à parler en français. Au bout d'un moment, les deux Alsaciens ont parlé en Alsacien entre eux. Mais ils ne sentaient pas du tout une envie de revendication, de défense. Et la dernière fois, il y a 10 ans maintenant, musique, j'étais une semaine, il y avait deux gars de Strasbourg notamment, ils disaient ah ben oui, chez vous vous défendez bien, ben ici, pas plus que ça. Quoi. Alors comme je l'ai dit, l'histoire qui explique aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que le grand affaissement, c'était la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque finalement, il y a eu d'abord une période d'oppression quand même très lourde, qui était donc l'oppression nazie, c'est traduit par une germanisation forcée dont tout le monde a gardé un mauvais souvenir, et après, le retour dans le giron français avec une culpabilisation un dénigrement systématique de tout ce qui était allemand. Alors c'est face à ça, il y a eu un processus en quelque sorte de désinvestissement. C'est-à-dire tout ça, c'est trop compliqué, on ne veut plus en entendre parler, Nous, bon, c'est la bonne bouffe, le bon boulot, le matérialisme, bien. Et puis, le reste, ça ne nous intéresse plus. L'Alsace va se réaliser par la qualité de la vie, et puis tous ces trucs-là, c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Hein. Donc, cet élément-là qui a vraiment joué beaucoup, la plupart des. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'était presque impossible d'affirmer une identité alsacienne après la guerre. Hein. Par exemple, on a des gens qui ont essayé à l'université de faire des recherches historiques, littéraires, etc. Ils étaient saqués, hein, dès qu'ils pénétraient un tout petit peu sur ce terrain-là. On pouvait perdre sa place pour pas grand-chose. J'ai fait l'ENA, lorsque j'ai présenté au concours de l'ENA, il y a eu un inspecteur des RG, encore dans les années 70, début des années 70, qui est venu faire une enquête pour savoir ce que la famille avait fait durant la guerre, etc. Vous voyez, donc il y avait beaucoup de gens qui se sont dit, mais bon, j'ai plus envie de m'occuper de ça. C'est donc une sorte de résignation, d'abandon. Mais les choses sont encore là. Dès que vous creusez un peu, les choses ressortent. Hein, hein. Alors très souvent aussi, quand elles sortent mal, c'est-à-dire qu'il y a toujours encore un fond anti-germanique en Alsace, hein, parce qu'on a en quelque sorte intériorisé complètement cette négation de la dimension allemande de l'Alsace. Hein. Il y a quelque temps, j'avais fait un article pour dire que cet anti-germanisme de l'Alsace n'est pas dirigé contre les Allemands réels de l'autre côté de la frontière, il est dirigé contre l'Allemand que les Alsaciens ont en eux et qu'ils n'arrivent pas à supporter, qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils ne veulent pas accepter. Hein. Donc ça, c'est encore très, très fort aussi. Donc je dirais là, il y a dès d'emblée, j'ai dit l'affirmation d'une autonomie passe d'abord par une clarification, une prise de conscience, une reconnaissance de son identité. Les Alsaciens, ils ont cette identité plurielle. Autrefois, ça ne les dérangeait pas. Ils disaient, oui, nous sommes des Allemands français ou des Français allemands, de certaine manière. Et quand je dis d'ailleurs allemand, non pas citoyen allemand, hein, pour ça, les Alsaciens n'ont jamais voulu être, je dirais, des citoyens allemands. Mais ils voulaient que l'on reconnaisse leur dimension culturelle allemande en France. Et lorsque j'ai dit qu'entre la période 70-14, ils ont finalement c'était une période positive. Ils s'étaient finalement ralliés à l'Allemagne, mais ralliés parce que l'Allemagne leur offrait une possibilité d'autonomie à l'intérieur de l'Allemagne. Finalement, ils pouvaient être Alsaciens plus facilement en Allemagne qu'en France. Hein. C'est pas parce qu'ils se sentaient vraiment allemands. Encore que, bien sûr, il y a toujours eu des Alsaciens qui étaient fortement francophiles, orientés par la France, très nationalistes français, et des Alsaciens très marqués par leur adhésion au monde culturel allemand, voire à la nation allemande. En 70, il y a 50 000 personnes qui sont parties en France. En 1918, il y a de nouveau 150 000 qui sont partis en Allemagne, les uns forcés, les autres volontaires. À chaque fois, c'était une perte parce que c'était toujours les plus formés, l'élite, je veux dire les meilleurs, mais enfin ceux qui avaient quand même des compétences particulières qui sont partis. Hein. Ce sera la dernière question, parce qu'on est attendu au restaurant à 1h. D'accord. Excuse-moi, j'étais en jury, j'ai pas pu venir. Bon, c'est très bref. J'ai une sensibilité particulière sur l'Alsace, puisque c'est en Alsace que j'ai découvert que j'étais breton. Oui. En 1973, je pourrais vous en parler des heures, il était dit tout ça. J'ai une question beaucoup plus précise, plus technique. La place de l'Église, parce que en Bretagne, l'Église a peut-être été jonquée, a joué un rôle important pour à sa façon, défendre la langue bretonne. En Alsace, quand j'y étais, la messe dominicale était en allemand ou en français, ça dépendait des horaires. Alors, disons, l'Église catholique a complètement abandonné l'allemand, plus vite que l'Église protestante. Alors, bien sûr, il y a encore quelques messes en alsacien ou en allemand. Il faut aussi soigner les touristes. Mais, disons, globalement, la francisation est presque complète. Pour les protestants, c'est moins vrai, parce que, quand même... La langue de Luther, c'est l'allemand, les cantiques en allemand, tout ça, c'est resté beaucoup plus vivant, mais ça a aussi beaucoup diminué. Je dirais, le rôle de l'Église ne peut pas se limiter seulement à cet aspect linguistique. Hein. L'Église, ça a été aussi un peu la colonne vertébrale de la population pendant longtemps. Il faut savoir que, au fond, on parle beaucoup de laïcité, en France, de la loi 1905, etc., laïcisation. La laïcité, on l'a connue nous aussi, en Alsace, hein, mais c'était Bismarck qui voulait l'imposer, c'est ce qu'on appelait le Kulturkampf. Et on s'est opposé à cela parce que c'était Bismarck, parce que c'était l'Allemagne, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur de la région, et donc on a fait corps avec les institutions religieuses et notamment l'Église catholique, pour se protéger contre ça. Donc, la lutte contre ce processus de laïcisation a été valorisée positivement en Alsace, alors qu'en France, dans le roman national français, la laïcité, c'était la grande libération, la conquête, etc. Et donc, c'est valorisé positivement. Et donc, en 1918, on ne pouvait pas se comprendre pour les Alsaciens le maintien de la position publique des églises dans la société, c'était vraiment très très important, c'était attaché à leur spécificité régionale, et pour les Français, c'était quelque chose qui leur apparaissait comme un truc, un vieux machin qu'il fallait faire tomber. Alors là, il y a eu pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, on a fait des sondages, on demande aux Alsaciens, est-ce que vous êtes pour la suppression du concordat, du système cultuel local? Vous avez 90% de la population qui veut le garder, alors que vous n'avez pas 90% de la population qui va à l'église, hein, bien sûr. Mais on veut le garder parce que ça fait partie de notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, hein, voilà. Et donc ça c'est encore aujourd'hui très fort. Et puis il faut dire aussi que ça a des aspects très objectivement valables, puisque qu'est-ce que ça veut dire le statut local des églises en Alsace? Ça veut dire qu'en Alsace, on peut financer les activités religieuses comme on veut, alors qu'en France, on les finance aussi, mais il faut le faire par derrière. Hein, voilà, on est dans un système plus simple. Où on a l'habitude de relations, je dirais, de responsabilités réciproques entre les autorités religieuses et les autorités publiques. Chacun donne et chacun prend. Hein, c'est du donnant-donnant. Et ce modèle, il est finalement plus adapté, je pense même pour le culte musulman, que cette hypocrisie d'ignorance, sans ignorance, entre du côté français. Je veux dire, du côté de Resla, outre-Vosgien. De l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai amené, pour ceux que ça intéresse, quelques exemplaires de la revue que nous publions. Là, il y en a une, être alsacien aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a une sur Alsace-Moselle, quel est le sens actuel de ce concept? Et puis, le 200e numéro de notre revue. Donc, pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je pourrais prendre une copie des cartes pour mettre accompagner le document? Je vais essayer de récupérer. Je vais les retrouver. Vous pourrez prendre tous les fichiers Rennes, et comme ça vous êtes. J'ai acheté aux vies. Ah oui, j'ai connu sa fille d'abord, parce qu'elle avait d'autophone. Elle venait faire ses études d'allemand. Oui. Et chez vous, on parle de la chose. Et à chaque fois, il me dit, Renan, je vais te donner les contrats de Anne à signer. D'accord. Hein, d'accord. Ouais, j'ai vu que tu m'avais